Chapitre 10 Sur les projets pour adoucir l'esclavage des nègres. Nous avons proposé les lois qui nous ont paru les plus sûres pour détruire graduellement l'esclavage et pour l'adoucir tant qu'il subsistera. On pourrait imaginer que des lois, semblables aux dernières, seraient capables non de rendre l'esclavage légitime, mais de le rendre moins barbare et compatible, sinon avec la justice, du moins avec l'humanité. Nous croyons de pareilles précautions insuffisantes pour adoucir l'esclavage, elles ne peuvent être utiles qu'autant qu'elles ne seront établies que pour un espace de temps limité et qu'elles ne feront qu'accompagner un système d'affranchissement. Dans les moyens que nous avons employés, la seule peine du maître est la liberté de l'esclave ou tout au plus une petite pension. Et comme nous l'avons dit, l'une et l'autre sont exigibles dans l'ordre de la justice naturelle, quand même le maître n'aurait jamais abusé de son pouvoir. Ce sont des dédommagements nécessaires du tort qu'il a fait à son esclave en le retenant dans l'esclavage, crime qui n'a pas besoin d'une information pour être constaté. Cette nécessité de réparer le crime qu'on a commis est une conséquence du droit naturel et n'a besoin d'être réglée d'avance par aucune loi. Ainsi, il est juste de condamner celui qui enlève à son semblable l'usage de la liberté à réparer son tort sans qu'il ait été nécessaire de l'avertir par aucune loi qu'il s'expose à cette condamnation en commettant le crime, ou de prouver qu'il a joint à ce premier crime ou des outrages ou de mauvais traitements. Mais pour infliger d'autres peines que cette réparation, il faut, premièrement, qu'elles aient été établies par une loi expresse antérieure au crime, deuxièmement, que l'action particulière pour laquelle on les inflige ait été légalement prouvée. Cependant, ces simples réparations ne seraient pas une peine suffisante pour arrêter les violences des maîtres. Un homme qui aura fait donner la question à ses nègres, qui les aura fait brûler à petit feu, mérite des punitions d'un autre ordre. Or, pour lui infliger ces punitions, il ne suffit point de les établir par une loi. Il faut que le crime soit prouvé. Serait-il juste d'admettre, dans ce cas, le témoignage des nègres contre leur maître ? Quelle publicité pourrait le penser ? Il dirait « Les maîtres n'ont aucun droit d'avoir des esclaves. On consent qu'ils en aient, à condition que, s'ils sont accusés d'un crime contre un de leurs esclaves, ils pourront être condamnés par le témoignage des autres. C'est librement, c'est pour se conserver le droit, si cher à leurs yeux, de violer tous les droits de la nature, qu'ils s'exposent à ne plus jouir des précautions que la loi a prises pour défendre la sûreté des citoyens. » Qu'ils affranchissent leurs esclaves, qu'ils soient justes, et la société le sera avec eux. Nous croyons qu'on peut opposer à ce raisonnement non seulement l'injustice d'une telle loi, qui suit évidemment des principes que nous avons déjà établis page 8, mais l'encouragement qu'elle donnerait au vice des esclaves. D'un autre côté, si on n'admet pas le témoignage des nègres, toute preuve de délit commis par le maître devient impossible. D'ailleurs, toute loi qui tendra à adoucir l'esclavage tombera en désuétude. Les hommes chargés de veiller à son exécution iront-ils poursuivre le colon dont ils veulent épouser la fille, avec qui ils passent leur vie, pour soulager de misérables nègres ? A-t-on vu quelque part le pauvre obtenir justice contre le riche, toutes les fois qu'il n'y a point plus à gagner à poursuivre le riche qu'à se laisser corrompre ? A-t-on vu ailleurs que dans les gouvernements populaires, le faible obtenir justice contre le fort? Plus la loi serait sévère contre le maître, moins elle serait exécutée. Les hommes, s'il peut être permis de leur donner ce nom, les hommes qui osent assurer dans des livres, et surtout dans des mémoires présentées au gouvernement, que l'esclavage des nègres est nécessaire, ne manquent guère d'ajouter à leurs ouvrages un petit projet de loi pour adoucir le sort des malheureux qu'ils outragent. Mais eux-mêmes ne croient pas à l'efficacité de ces lois, et ils ajoutent l'hypocrisie à la barbarie. Ils savent bien que tout cet appareil ne sauvera pas aux nègres un seul coup de fouet, n'augmentera point d'une once leur misérable nourriture. Mais, colons eux-mêmes, ou vendus aux colons, ils veulent du moins endormir les gouvernements, arrêter le zèle de ceux des gens en place dont l'âme ne s'est pas dégradée au point de regarder comme honnête tout ce qui est d'usage de laisser impuni. Ils semblent craindre, tant ils font honneur à leur siècle, que les gouvernements n'aient pas assez d'indifférence pour la justice et que la raison et l'humanité n'aient trop d'empire. Les lois mêmes que nous avons proposées, quelque douces qu'elles soient, ne seraient pas exécutées si elles étaient perpétuelles, si elles exigeaient d'autres preuves qu'une simple inspection ou l'avis d'un médecin. Ce n'est pas au hasard que nous avons fait dépendre d'un homme de cet état l'exécution de cette partie des lois. C'est dans cette classe seule qu'on peut espérer de trouver dans les colonies de l'humanité, de la justice, des principes de morale. Les magistrats, les employés des différentes puissances, sont tous des hommes qui vont chercher aux îles une fortune à laquelle ils ne peuvent prétendre en Europe. S'ils ne sont pas des intrigants déjà déshonorés, du moins ils sont tirés de cette classe d'hommes avides, remuants et sans moyens qui produit les intrigants. Tout homme naissant bien et qui acquiert une grande fortune est nécessairement un homme avide, peu délicat sur les moyens d'acquérir, qui a sacrifié son plaisir et son repos à son avarice. Plus les moyens de s'enrichir lui ont coûté de soins, plus il a été obligé de s'occuper d'affaires d'argent, plus il est certain que l'amour des richesses est sa passion dominante. Or, les âmes attaquées de cette passion peuvent prendre le masque de toutes les vertus et même du désintéressement, mais elles n'en ont réellement aucune. Si vous n'avez besoin que d'une probité commune, on en trouve dans tous les états, dans toutes les fortunes. Mais si vous exigez quelque chose de plus, ne le cherchez jamais parmi les hommes qui, ayant passé de l'indigence à une fortune médiocre pour leur état, ne s'y sont pas arrêtés. Nous ne parlons point ici des hommes qui doivent l'augmentation de leur fortune à l'économie. Quelques officiers français ont apporté dans leur colonie une âme pure. Mais, plus occupés du militaire que des lois, faciles à se laisser séduire par l'hypocrisie des colons, révoltés par la corruption des nègres, qui savent moins cacher leurs vices, et trop peu philosophes pour sentir que cette corruption n'est qu'une raison de plus pour les plaindre et pour haïr leurs tyrans, liés à ces tyrans par le sang, par l'intérêt, par l'habitude, ils ont ou cédé au préjugé qui fait croire l'esclavage nécessaire, ou manqué du courage qu'il faut avoir pour s'occuper des moyens de détruire la servitude des nègres. Tel ne craint point la mort qui craint de déplaire à ceux dont il est entouré. Tel brave le canon dans une bataille qui n'osera braver des ennemis secrets accoutumés à se jouer de l'humanité. Les prêtres chrétiens, établis dans les îles, soit évangéliques, soit romains, sont des intrigants, des fanatiques ou des ignorants. S'ils connaissaient les principes de leur religion, s'ils avaient le courage de les suivre dans la pratique, les ministres du Saint-Évangile recevraient-ils les colons de la Sainte-Seine? Les prêtres de l'Église romaine les admettraient-ils à l'Eucharistie, leur donneraient-ils l'absolution? Est-ce que les colons, possédant des esclaves, ne sont pas des pécheurs publics, des hommes souillés d'un crime public qu'ils renouvellent tous les jours? Il n'y a pas de milieu. Tout prêtre chrétien qui ne refuse pas soit la Sainte-Seine, soit l'absolution à un possesseur d'esclaves, ou n'a point l'idée des devoirs de son état, ou a vendu sa conscience à l'iniquité. Quoique ministre d'une autre communion, nous croyons devoir rendre justice à un moine français de l'ordre des frères prêcheurs. Dans un ouvrage publié il y a quelques années sur la colonie de Saint-Domingue, il a eu le courage de présenter le tableau vrai de l'horrible barbarie exercée contre les nègres et une réfutation des calomnies que leur maître s'occupe d'accréditer contre eux en Europe. Parmi les médecins qui passent la mer, il y en a un grand nombre qui n'ont été entraînés que par l'envie de voir des choses nouvelles, et si le gouvernement les choisit avec soin, il peut trouver parmi eux des véritables amis de l'humanité. Il suffirait ensuite d'avoir, dans chaque colonie, un défenseur de la cause des nègres, et alors l'on pourrait se flatter que les lois, en leur faveur, seraient exécutées. Cette dernière condition serait-elle impossible à remplir et ne trouverait-on pas, dans toute l'Europe, une douzaine d'hommes qui n'émassent point l'or et qui ne craignissent point le suc de manioc? D'ailleurs, en supposant que les colons trouvassent des moyens d'éluder, en grande partie, les lois que nous avons proposées, du moins la durée de l'esclavage ne peut se prolonger au-delà de 70 ans. La loi qui permettrait aux nègres d'acheter leur liberté et aux hommes libres de racheter les nègres suivant un tarif, la loi qui déclarerait libres les nègres à un certain âge, celle qui affranchirait leurs enfants avec eux, toutes ces dispositions ne peuvent être éludées que par une prévarication ouverte de la part des juges. Et le crime que commettrait le colon en retenant des nègres libres pourrait être prouvée par des preuves juridiques, sans avoir recours ni aux témoignages des Noirs, ni aux dépositions plus suspectes encore des Blancs. Ainsi, du moins, les maux que les autres dispositions de la loi n'auront pu empêcher auront un terme. Le nombre des nègres esclaves, et par conséquent le nombre des crimes, diminueront chaque année, et les lois d'adoucissement ne sauvassent-elles qu'une seule victime, elles auraient encore produit un grand bien. En un mot, si l'esclavage reste perpétuel, l'appareil d'une législation douce en faveur des nègres peut produire un bien momentané et faible, mais le mal demeure éternel. Ici, au contraire, c'est le bien qui sera éternel, et le défaut d'exécution dans la loi peut rendre les progrès du bien plus ou moins lents, mais non les arrêter.